Donc, la question de base sur laquelle je veux t'amener à parler, c'est à savoir à quel point donc les gens qui nous dirigent sont réellement responsables de leurs actions, puis à quel point ils peuvent s'ajuster pour agir avec plus d'intelligence. Ouais, ben, si tu prends un chien qui mord un enfant, dépendamment des dispositions que tu vas prendre, est-ce que ça va être lié à l'idée, est-ce qu'il est responsable ou pas? C'est une bonne question, parce que le chien qui agit par instinct, dans un sens, il est pas responsable, dans le sens qu'il n'a pas une conscience individuée comme un être humain. Ouais, mais on prend des dispositions pareilles. Oui. C'est pas important qu'il soit imputable ou responsable ou quoi que ce soit. À mes yeux, ça n'a aucune importance. Mais moi, et c'est là que je veux t'entendre, c'est-à-dire que moi, de ma perspective, si, par exemple, parce que comme je l'ai dit, j'ai observé au fil du temps que tu critiques beaucoup les politiciens, puis je suis de l'avis qu'il y a plein de choses qui font qu'ils manquent d'ajustement, mais à quel point c'est intelligent de le faire et ce n'est pas une perte d'énergie si eux autres n'ont pas nécessairement la capacité à s'ajuster pour être autrement, vu qu'ils n'ont pas une conscience vibratoire. Quand je critique les politiciens, c'est pas à eux que je m'adresse. Ben, tu t'adresses quand même pas aux extraterrestres. Non, mais je m'adresse à des gens qui ont un sens critique, pour qu'ils se maintiennent dans leur sens critique. Aussi, certaines personnes qui ont remarqué des choses ou qui savent des choses puis qui peuvent être amenées à douter d'eux-mêmes, ça peut être bien que quelqu'un d'autre leur dise la même chose que ce qu'ils perçoivent. Donc, pour confirmer des perceptions qu'on peut avoir, ça peut avoir ça comme fonction, ton propos. Mais si on le prend sur le plan concret, par exemple, si tu critiques Justin Trudeau comme récemment tu le faisais en disant il manque juste un épinglet de la Chine, dans le sens qu'il est vendu à l'agenda chinois, à quel point Trudeau peut sortir de l'influence de la superpuissance de la Chine puis être indépendant, tu sais? Mais le but du propos, c'est pas que ça qu'il sorte de l'indépendance, de la dépendance, là. Ça arrivera pas. Puis même là. Si j'emploie des images comme ça, c'est parce que si je le dis trop clairement, ben là, je suis passible de poursuite. Sans tomber dans l'attaque personnelle, c'est sûr que, tout comme moi, puis il y a sans doute des gens qui nous écoutent, qui constatent qu'il y a des choses qui tournent pas rond là, alentour de nos politiciens. Mais le point, c'est, si on évoque l'instruction supramentale, l'un des principes, c'est de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que les gens, et dont les politiciens et même les juges sur le plan juridique, n'ont pas de libre arbitre? Non. OK, vas-y, élabore. C'est dans le sens qu'ils sont livrés à leur conscience comme tout être humain. Donc, il y a des choses qu'ils savent, il y a des choses qu'ils voient, puis ils font des choix qu'on le veuille ou pas. La pensée vient d'ailleurs, oui, mais on n'est pas juste des réceptacles, on peut émettre aussi. Mais pour émettre une pensée nouvelle, il faut que l'individu soit en état de fusion avec l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une conscience vibratoire. Pas nécessairement, je suis pas sûr de ça. Dans le sens que on hiérarchise la conscience, là. La conscience, c'est de la conscience. Oui. Mais le point, c'est que si l'individu vit d'une conscience psychologique, puis il procède à travers la forme, il ne peut pas lire la vibration qui est derrière la forme. Non, mais il est quand même, comment je pourrais dire ça, il est quand même livré à sa conscience. Dans le sens que là, ce qui va accrocher souvent, c'est plus par rapport à ce qui est conscient ou ce qui n'est pas conscient. C'est par rapport à ce qui est lâche ou pas. Est-ce qu'il a le courage ou pas? Est-ce qu'il a peur ou pas? Il n'y a rien de pire que la peur pour un politicien. C'est pour ça que dans Le Magicien d'Oz, le lion cherche un cœur. C'est lui qui cherche un cœur. Non, il veut du courage. C'est celui qui représente Le les robot en ouvriers qui veut un métal cœur, ouais. qui veut le cœur, puis C'est la classe l'épouvantail, il veut le ouvrière. cerveau. Ouais, c'est le paysan qui veut une éducation. Mais le point que je veux faire, dans le fond, c'est que à un moment donné, parce que moi-même, j'ai souvent critiqué aussi les politiciens, surtout par rapport à la période qu'on a dite de pandémie dans les médias. Et la question que je me suis souvent posée, c'est à quoi ça sert dans le sens, est-ce que les politiciens, dans un sens, au moment où on se parle en 2024, moi je les vois comme des automates, des marionnettes qui sont gérées par un agenda qui leur échappe. Puis c'est comme, je les vois comme des robots en fonction de, comment dire, d'une réalité occulte. N'ont pas la conscience de comprendre. C'est comme la personne qui est manipulée malgré elle. Non, rendu à certains points, c'est on peut pas les excuser. Mais mon propos, c'est pas de les excuser, mais c'est Ben, d'apporter. ça revient à ça parce que on les déresponsabilise en disant ça. On se met au-dessus d'eux comme si on est plus conscient qu'eux, alors qu'au fond, c'est plus, il y a autre chose. Oui, moi je les vois pas comme des automates, je les vois plus comme des animaux. Donc, c'est leur instinct, c'est des choses comme ça, là. Mais comme je dis, c'est comme je te disais, un chien qui est dangereux, on s'en fout qu'il soit conscient ou pas, on s'en fout qu'il soit responsable ou pas. Mais Oui. c'est pour ça l'idée de dire au monde, attention, ce chien-là est dangereux pour pas qu'il se fasse mordre. Oui, je comprends. Si on pense par exemple à des pitbulls qui peuvent être euthanasiés après s'être pris à plusieurs enfants. Donc, dans certains cas, il y a des chiens qui vont être éliminés parce qu'ils ne peuvent pas être ajustés ou corrigés. Et à ce moment-là, la question par rapport aux politiciens, à savoir à quel point ils peuvent s'ajuster ou pas, dans le sens qu'il y a des gens qui, au fil des ans, qui ont été abondamment critiqués, que ce soit Justin Trudeau, François Legault, par différents individus, médias de masse, médias alternatifs, puis on voit que au fil du temps, c'est comme si ça passait 6 pieds par-dessus leur tête, dans le sens que sont comme C'est ça. indifférents par rapport à ça, puis continuent le même agenda sur le pilote automatique. Oui, parce qu'il y a une majorité de gens qui ne le voient pas. C'est pour ça que c'est pas aux politiciens que je m'adresse. Oui, tu t'adresses aux Eux autres, il n'y a gens. rien à faire, là. Quelqu'un qui est rendu à ce point-là, il n'y a rien à faire. Ils sont tous pris par des affaires. La plupart, là, s'ils ne suivent pas l'agenda, là, sont morts ou il y a d'autres choses. Ils vont être morts politiquement. Il va arriver Oui, c'est quelque une mort chose. symbolique. Ils ont juste à Ouais. sortir un scandale, là. C'est ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'ils peuvent, dans le fond, déjà avoir planifié leur plan pour les faire chanter. Tu sais, si tu regardes Emmanuel Macron, ben là, il y a le scandale, qui sera en relation avec Brigitte, qui sera en réalité un transsexuel qui est véhiculé, Ça, là, par les je médias vois ça comme de alternatifs. la diversion, des vrais scandales. Comme en ce moment, il y a un paquet de monde qui font polémique, là, tout en même temps. Moi, si je dis, si je porte attention à ça, c'est pas dans le sens qu'il faut porter attention à ça, parce que sinon, ça reste une diversion. Ce que je dis, c'est, on observe ça pour essayer de voir, ils font diversion de quoi? Quand que on veut que je regarde quelque chose, puis que c'est clairement ça, ben je regarde partout ailleurs. Oui, parce que c'est sûr qu'à travers les scandales, on cherche à orienter l'opinion publique Même pas. Pas à ce qui, avec ce qui se passe en ce moment. OK. C'est désorienté. C'est même pas orienté l'opinion. Là, c'est une phase, c'est de la désorientation. Mais peut-être qu'on veut dire la même chose. C'est-à-dire que moi, j'allais dire qu'on oriente l'opinion publique vers des choses qui mènent nulle part, qui n'amèneront pas un changement systémique au second niveau. Puis c'est juste, comment dire, dans un certain sens, des enfantillages, tu sais. Oui, puis c'est voulu. Puis justement, c'est pour ça que quand je dis, quand je parle, c'est aux politiciens que je m'adresse. C'est eux autres, il n'y a rien à faire. C'est la population, c'est l'ignorance des gens qui leur donne du pouvoir. Oui. Puis c'est en même temps l'ignorance qu'eux autres vivent parce qu'ils sont manipulés malgré eux par l'astral, par le plan occulte, qui n'en ont pas la compréhension, qui fait en sorte que c'est. Attention à ça. Comment? Fais attention à ça, qui n'ont pas la compréhension de l'occulte, ou qui Ben, n'ont pas de rapport avec, ou qui n'ont pas de conscience que c'est. Il y en a que c'est sciemment. Ça arrive. C'est parce qu'on a de la difficulté à le concevoir. non, non, mais en fait, je vais rectifier mon propos, là. Je voulais dire dans le sens qu'ils n'ont pas une conscience multidimensionnelle parce, ou une conscience réelle, parce que sans ça, ils ne pourraient plus faire de la politique dans les termes présents parce qu'ils réaliseraient toute l'ampleur de la corruption, de la manipulation, puis ils seraient dégoûtés. Tu sais, quelqu'un qui verrait à quel point le système serait pourri, à quelque part. Il y en a du monde à qui ça fait rien. Oui, des psychopathes. Voilà. Mais il y Qui a. va le plus vers la politique? J'ai déjà lu une étude sur ça. Il y a à peu près, il y a, dépendamment des populations, il y a de 3 à 6 % de psychopathes dans la population. La plupart sont pas dangereux, mais c'est des psychopathes pareils. C'est pour ça que on va sélectionner. Il y a des gens que, comme il y en a un qui est décédé récemment, bon, ben lui, il a eu une certaine bourse à un moment donné quand il était étudiant. Ils les prennent quand ils sont jeunes, ils les spotent. Oui, ben on a les jeunes leaders par rapport au Forum économique mondial, donc Justin Trudeau et Emmanuel Macron font partie. Puis après ça, c'est sûr que c'est pas surprenant qu'ils véhiculent l'agenda mondialiste s'ils ont été préprogrammés pour en faire la promotion. Ben souvent, ils vont choisir des gens que, comme je te dis, c'est un peu comme des animaux. Il y en a du monde qui ne croyait à rien, puis ils ont juste le cul puis l'argent dans la tête. Bon, c'est des animaux. Mais même là, c'est quasiment insultant pour les animaux. Ils font des choses, les animaux font pas ça. Oui. Mais dans le fond, par rapport aux gens de la politique, quand ils prennent des mauvaises décisions, prenons par exemple la situation du Québec, là, où il y a eu un record dans le dernier budget en termes d'endettement, là, de déficit. Donc, de plusieurs milliards. Donc, est-ce que les membres du gouvernement sont responsables de ça, réellement? Tant qu'à moi, oui. Ben oui. Parce qu'ils savent. Ils sont là pour ça. Mais à quel point ils sont lucides, c'est ça l'affaire. Ils sont plus lucides que le monde pense sur ce qu'ils font. Je ne sais pas à quel point. Je m'explique. Je vais te donner un exemple concret. Récemment, le député de Matane, Bérubé, dans le fond, dans une vidéo, candidement, il parlait avec des gens, puis il a dévoilé que pendant la période qu'on a dite de pandémie, François Legault lui avait donné une autorisation pour continuer, pour pouvoir sortir après 20 heures, alors qu'il buvait du vin avec lui. Puis il a raconté ça public, puis probablement que, dans le fond, le député Bérubé, quand il a fait ça, il dit, oh, la période de la pandémie est finie, je vais raconter ça comme anecdote. Sauf que par la suite, ça a créé une tollée sur les réseaux sociaux. Donc, ça a donné place au Vinogate. Puis là, les gens ont dit, ça n'a pas d'allure. Et ils donnent une C'est autorisation. voulu. OK. C'est pour créer de la division puis polariser. Mais moi, je ne suis pas sûr à quel point qu'il a fait ça consciemment. Non, non. Pascal Bérubé, là. Regarde là, quand Legault il est allé prendre une bière avec Doug Ford, c'était voulu, là. C'est une façon d'humilier la population, c'est-à-dire que les gens au-dessus vont s'arranger pour donner la directive de faire ça. C'est comme Boris Johnson. Si les gens au-dessus de lui n'avaient pas voulu que ça sache qu'il faisait des partis pendant les confinements, ça se serait pas su. C'est pour ça que je te dis, c'est tellement inconcevable quelqu'un de normal n'est pas capable de concevoir ça. Mais c'est une façon de gouverner. Si tu humilies la population, puis à longue, c'est des tactiques psychologiques. C'est comme ça que tu crées des gens dociles. Faut que tu les humilies, faut que tu Mais les moi, j'ai prives de. l'impression que Bérubé a péché par orgueil parce qu'il n'a pas évalué, quand il a dit ça, que les gens étaient encore sous le traumatisme de la période dite de pandémie. Puis là. Voyons, David. Sais, c'est évident qu'il se doutait bien que ça ferait ça. Ça a fait ça combien de fois partout dans le monde? La première ministre de la Nouvelle-Zélande sur le party, Boris Johnson sur le party, à chaque fois ça a fait polémique. Ils savent que ça va faire polémique. OK, puis la visée de ça, c'est de camoufler d'autres choses. C'est quoi? Non, non, pour le poids, là. OK, on n'est C'est une pas. façon de montrer la classe où ils sont. Ça a tout le temps été comme ça. C'est comme les seigneurs florentins. Ils agissaient comme ça. Parce que au niveau de l'animalité humaine, il y a des gens par instinct de survie qui vont tout le temps se mettre du bord du plus fort, puis ils vont pareil les aimer, puis voter pour eux autres. Ça, c'est une partie de la population. Mais ça prend pas un gros pourcentage pour que ça marche. Non, Les gens exactement. admirent. Les gens admirent les bandits. Les gens les aiment. Les gens aimaient John Gotti. Mais pour ce qui est de la CAQ, puis en lien avec cet incident-là, suite à ça, ils ont baissé dans les sondages auprès de la population, parce que là, c'était incriminant pour eux. Puis eux autres, ils avaient fait la morale que le couvre-feu à 20 h, sinon on pourrait avoir une amende de la police. Puis il y avait une dame qui était en fin de vie, puis on lui avait demandé de sortir sur le stationnement pour rencontrer les proches, parce qu'elle n'avait pas le droit d'avoir plus qu'un visiteur dans sa chambre. Plus tu humilies ta population, plus que ça, tu vas pouvoir passer des affaires tout le temps de plus en plus grosses. Ils s'en foutent de baisser d'un sondage parce que de toute façon, c'est pas eux autres qui décident. Si là, il est décidé là, que Macron c'est fini, puis ils mettent un autre, ça va être, Macron va baisser d'un sondage, puis ça va être un autre. C'est pareil partout. Donc, les politiciens, à quelque part, sont manipulés. Non, c'est des employés, puis ils savent. Il n'y en a pas de parti. C'est comme de la lutte. On en a parlé souvent. C'est du théâtre. Oui, Derrière, l'opposition c'est tous des contrôlée. chums, puis c'est ce qu'il y a de guerre entre des factions, c'est pas lié au parti. C'est d'autres choses. C'est d'autres clics. Oui, il y a des clics qui se battent, mais le show qu'on voit, c'est pas le vrai. Non, non, je comprends. C'est comme une représentation de lutte qui est orchestrée par les promoteurs de l'événement et ça donne place à ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, la pseudo-opposition entre des lutteurs. L'opposition contrôlée, par définition, c'est plus justement comme un lanceur d'alerte, par exemple, qui fait semblant de s'opposer à toutes les parties pour le gouvernement. C'est ça de l'opposition contrôlée, mais qui, dans le fond, soit que c'est un idiot utile qui est manipulé, soit que c'est quelqu'un qui, sciemment, il est payé pour faire ça. Tandis que l'opposition entre les partis politiques, c'est pas de l'opposition contrôlée, ça. C'est de la mise en scène, c'est pas tout à fait pareil. Parce que l'opposition contrôlée, c'est tout le temps contre un régime, c'est tout le temps. C'est pas, ça fait pas partie de. Ça dépend là, de quoi on parle, là. Mais au Québec, on n'a pas de ce genre, là. Tant qu'à moi, là. OK, mais Peut-être je peux me tromper, là, mais je parle. Ce qu'on a comme opposition contrôlée au Québec, c'est pas du monde dans le gouvernement ou dans l'opposition, là. le sens que j'y donne, entre autres, à la notion d'opposition contrôlée, c'est qu'est-ce qui est présenté dans les médias. Dans le sens que si, par exemple, il y a un parti au pouvoir, comme la CAQ, ça va moins bien, puis là, on nous présente, disons, Éric Duhaime, comme ben, pendant la période dite de pandémie, c'était lui qui était présenté par certains, comme l'opposant. Fait que là, ça oriente les gens par rapport à lui, mais lui, s'il ne fait pas de changement au second niveau, ben, il détourne la voix des gens qui sont contrariés, par exemple, par des mesures liberticides, pour les amener sur une voie de garage qui mènera nulle part. Oui, je comprends, mais lui, justement, il n'est pas au Parlement. Non, je sais. Mais il a été Bon. présenté devant la caméra, tandis que devant la caméra des médias de masse, on ne te verra pas, on n'entendra pas parler de Bernard de Montréal ou de choses qui peuvent amener un changement au second niveau. Penses-tu vraiment que ça changerait de quoi? Ben, l'exposition a une vibration différente par une certaine incidence. Ouais, mais Bernard, la vibration, tant qu'à moi, elle a pas juste fait, elle fait pas le même effet à tout le monde, là. Elle peut même nuire. C'est sûr que, comme il a déjà été dit, tout est reçu selon la forme du récipient, mais je pense que certaines personnes en étant exposées à ça pourraient, dans certains cas spécifiques, les amener à un autre taux vibratoire.